13e chapitre. Ouragan dans le Caucase. L'officier polonais. La foire à Stauropol. Un chapitre de roman interrompu. Le général Grab. À 4h du soir, par un temps sombre, nous quittâmes ce Piatigorsk de si charmante mémoire pour nous enfoncer de nouveau dans les montagnes où, par parenthèse, nous attendait l'un des plus violents orages dont j'ai conservé le souvenir. Dès l'instant de notre départ des eaux, l'atmosphère chargée d'électricité et les vapeurs qui roulaient lourdement sur le sommet des Alpes ne nous faisaient que trop présager quelques prochains ouragans. Notre espoir était d'atteindre la première station avant qu'il éclatât. Espoir tout à fait chimérique. À peine marchions-nous depuis une heure le long des gorges profondes creusées au pied des montagnes que des ténèbres subites vinrent préluder au spectacle imposant qu'offrit bientôt une tempête au milieu du Caucase. Quiconque n'a pas été témoin des grands bouleversements de la nature ne saurait comprendre l'admiration mêlée d'effroi qu'ils font éprouver à l'âme. Les roulements du tonnerre répercutés par tous les échos des abîmes, se mêlant aux gémissements des grands arbres, aux éclats du vent, à toutes les voix que l'orage éveille et qui semblent sortir des profondeurs de la terre, ont une harmonie si puissante, des rugissements si perçants et si prolongés, que l'esprit le moins superstitieux s'attend involontairement à quelque chose de surnaturel. Pourquoi faut-il que dans ces moments de surexcitation, l'instinct de la conservation grandisse avec le majestueux courroux des éléments et parle plus haut que l'imagination même? Pourquoi faut-il se préoccuper du mauvais état des chemins, de la frayeur des chevaux, des dangers de l'obscurité, de la violence des rafales, quand on a devant soi un spectacle aussi imposant? Pendant plus de 2 heures, nous dûmes lutter contre un ouragan dont la violence, croissant de plus en plus, menaçait à chaque pas de nous lancer au fond de quelque précipice. Notre situation était d'autant plus critique que le Yamchik, cocher, quoique parfaitement habitué à la route, semblait lui-même fort déconcerté. Il en était réduit pour se reconnaître et diriger ses chevaux à profiter de la lueur des éclairs qui lui permettait de faire une rapide inspection des lieux. C'était, on l'avouera, une ressource assez précaire, mais il est une providence toute spéciale pour les voyageurs. Perdus au milieu de ces montagnes, n'ayant pour sauvegarde que le sang-froid et l'adresse d'un paysan, nous échappâmes sans trop savoir comment à une catastrophe inévitable. Une pluie furieuse, dernière expression de l'orage, éclaircit enfin le ciel qui se colora au couchant de bandes pourprées dont l'éclat faisait un effet magique avec l'obscurité qui enveloppait le reste du firmament. Un magnifique arc-en-ciel, dernière expression de l'orage, appuyant l'une de ses extrémités sur le sommet le plus élevé du Caucase, tandis que l'autre se perdait dans les vapeurs du soir, nous annonça définitivement la fin de la tourmente. C'était comme un gage de réconciliation entre les éléments et notre planète. À peine eut-il brillé quelques instants qu'il disparut du ciel avec les teintes dorées du couchant. À 7h30, nous arrivâmes à la station, étourdis, mouillés, fatigué et surtout fort étonné de nous retrouver sains et saufs après avoir traversé tant de périls. Néanmoins, cette récente alerte ne nous fit pas abandonner le projet que nous avions formé d'abord de marcher toute la nuit afin de pouvoir arriver le lendemain soir à Stauropol. En voyage, rien ne s'oublie aussi vite que le danger. À peine sortant d'une position critique qu'on se rejette dans une autre, plus critique encore, sans tenir le moindre compte tes terreurs précédentes. Est-ce témérité, insouciance ou manque de réflexion? Je crois qu'il y a un peu de tout cela dans le sentiment qui vous pousse en avant. Il faut que vous arriviez, telle est votre idée fixe, quant à prendre des précautions, à calculer les chances bonnes ou mauvaises du voyage, à se préoccuper des dangers à venir, en regard de ceux que l'on a courus, jamais cela n'entre dans la pensée du voyageur. Ce qui le prouve, c'est que notre désir de courir la poste toute la nuit ne fut pas un moment affaibli par les vives émotions que nous avait causées l'ouragan. Mais ce désir, que beaucoup de gens trouveront téméraire, fut vivement combattu par l'écrivain et les Cosaques que nous rencontrâmes à la station. Ils nous apprirent que la foire se tenait à Stauropol et qu'en pareille circonstance, la route présentait toujours quelques dangers, surtout après le coucher du soleil. L'avant-veille encore, en dépit des nombreux postes de surveillance, les circassiens avaient surpris et pillé des voyageurs revenant de la foire. Beaucoup d'autres histoires sinistres nous furent racontées avec un ton sérieux et un air d'alarme qui finirent par ébranler notre résolution. Bien à contre-cœur, nous allions prendre le parti de clore pour cette nuit la série de nos aventures lorsqu'un incident inattendu nous fit subitement revenir à notre détermination première. Un officier polonais, qui s'était tenu jusqu'alors tapis dans l'angle le plus obscur de la chambre, voyant la contrariété que nous causait ce retard imprévu, vint se mêler à la conversation et nous offrit de partir sur le champ avec nous, si toutefois sa présence suffisait pour nous rassurer. Il se rendait également à Stauropol, et peu lui importait de partir cette nuit même ou le lendemain. Une telle proposition, faite avec l'empressement le plus aimable, eut à l'instant raison de notre incertitude. En dépit des Cosaques et de leurs sinistres prédictions, nous nous hâtâmes d'accepter. Notre chevalier avait avec lui un domestique fort bien armé, et ces deux hommes joints à notre petite troupe nous offraient une garantie presque complète de sécurité. Ce fut avec toute la joie du triomphe que nous fîmes nos préparatifs de départ, tandis que le maître de poste, plus expérimenté que nous, ne donnait qu'à regret l'ordre d'atteler les chevaux, conjurant par de nombreux signes de croix les dangers où nous allions nous exposer si follement. Les deux Yemchiks, de leur côté, ôtaient à chaque instant leur bonnet de fourrure en témoignage de leur dévotion. Les Russes trouvent toujours moyen de mêler des signes de croix à tout ce qu'ils font. L'emploi fréquent de cette formule met complètement leur conscience en repos. Je suis persuadée que même en volant, ils en font usage autant par habitude que dans l'espoir d'obtenir ainsi l'impunité de leur larcin. Une fois hors de la cour, le plaisir de parcourir par une nuit douce et voilée un pays inconnu s'offrant à nous sous des formes indécises qui en doublaient le charme, agit avec tant de vivacité sur nos facultés que nous ne songeâmes plus ni aux circassiens, ni aux passages dangereux, ni à tout ce qui pouvait nous attendre dans ces montagnes aux contours effacés et qui ressemblaient alors à de légères vapeurs. Le Cosaque du Polonais se mit à chanter à demi-voix un de ces airs mélancoliques et doux qu'on n'entend qu'en Russie. Cette mélodie plaintive mêlée au bruit des deux clochettes de poste, les nuages noirs et lourds qui gagnaient rapidement les sommets voisins, la route serpentant autour d'une montagne isolée, le mouvement de la voiture, tout me plongea dans une somnolence où mille pensées confuses, tourbillonnant dans mon cerveau, m'emportèrent bientôt dans le domaine des songes. Les perceptions de l'esprit dans ce demi-sommeil étaient complètement soumises aux rêves de l'imagination. D'étranges visions s'agitaient devant moi. des voix d'une douceur infinie berçaient mes sens. Une force inconnue, irrésistible, m'enlevait à travers les nuages, bien au-dessus de notre planète, dont les contours s'effaçaient insensiblement à mes yeux. Je ne puis dire combien de temps dura cette espèce d'hallucination, mais j'en fus tiré violemment par un coup de pistolet qui retentit tout près de moi. Avant que j'eusse pu me rendre compte d'un bruit aussi menaçant, un second coup se fit entendre, mais à une assez grande distance. La voiture était arrêtée, la nuit fort noire. Un silence profond régnait parmi mes compagnons. Mon mari, dont je tenais la main et qui s'aperçut du tressaillement nerveux que produisaient sur moi ces deux détonations, s'empressa de m'en donner l'explication, en m'apprenant que l'officier polonais, s'étant égaré, le drogman avait pris le parti de décharger son pistolet en l'air pour s'en faire entendre, et que le second coup était une réponse à cette singulière interrogation. Certaine de ne pas avoir autour de nous une demi-douzaine de circassiens, je repris assez de courage pour rire la première de mon effroi. Antoine s'empressa d'aller à la recherche de notre compagnon de route, après être convenu avec nous qu'un troisième coup de feu nous apprendrait le moment de leur réunion. Nous passâmes une demi-heure environ dans une attente vraiment pénible, livrés à mille conjectures alarmantes, ayant surtout à craindre que le bruit des armes à feu n'attirât de notre côté quelques Tcherkesses rôdant au milieu des montagnes. Que n'aurais-je pas donné alors pour être bien loin de cette route qu'on nous avait signalée comme si terrible et qui me paraissait bien plus terrible encore? Inutile d'exprimer toute mon anxiété pendant cette longue demi-heure d'attente. Enfin, le signal convenu se fit entendre et peu de temps après, Antoine revint, mais tout seul, nous apprendre que force était de continuer la route sans le Polonais, attendu que le périclatnoï de ce dernier s'était engagé dans un mauvais passage et que par conséquent, il devait attendre le jour pour sortir d'embarras. L'obscurité était si profonde et l'endroit si dangereux qu'il n'avait pu songer à quitter le théâtre de son accident malgré son désir de nous rassurer. Ces détails, comme on doit le penser, ne servirent qu'à rendre notre inquiétude plus vive et à nous faire maudire mille fois notre imprudence. D'un moment à l'autre, nous pouvions nous trouver dans la même position que l'officier a supposé qu'il ne nous arriva rien de pire. La route, au dire du Yemchik, serpentait autour d'un rocher, et ce qui prouvait tout le péril de l'endroit, c'était de légères balustrades qui avaient été placées de distance en distance. Une telle précaution est si rare en Russie qu'il faut pour la motiver un danger réel. En face de toutes ces difficultés, nous délibérâmes si la prudence n'exigeait pas que nous restassions jusqu'au jour à l'endroit même où nous étions arrêtés. Mais le cocher, tout effrayé de passer une nuit dans ces dangereuses montagnes, ne nous laissa de repos que quand il reçut l'ordre d'avancer. La perspective de rouler au fond d'un précipice lui inspirait à coup sûr moins d'effroi que l'idée d'avoir affaire aux circassiens. Heureux d'avoir carte blanche, il se hâta de descendre de son siège et de prendre les chevaux par le mors, réglant son pas sur celui d'Antoine qui, en véritable éclaireur, sondait un des côtés de la route. À mesure que la descente périlleuse s'effectuait, le bruit d'un torrent se faisait de plus en plus entendre au bas de la montagne, comme pour augmenter encore la perplexité de chacun. Mais, grâce à notre bonne étoile, qui nous avait déjà tiré tant de fois de situations difficiles et aventureuses, nous nous trouvâmes au bout d'une heure dans la plaine et quelques minutes plus tard près de la station où notre arrivée causa un étonnement général. Le maître de poste était furieux contre son collègue, ne pouvant comprendre que malgré les règlements les plus sévères de la poste, celui-ci nous eût donné des chevaux pendant la nuit. Il s'empressa de nous déclarer sa résolution de résister à toutes nos instances, ajoutant que son devoir lui prescrivait absolument de nous refuser des chevaux. Nul besoin de dire que cette déclaration était elle-même fort inutile. Dieu merci, nous avions eu trop d'émotions nocturnes pour songer à en chercher d'autres. La chambre la plus confortable d'un hôtel suisse ou allemand ne m'a jamais fait éprouver un sentiment de bien-être comparable à celui que m'inspira le misérable logement où nous passâmes le reste de la nuit. Étendu sur un banc étroit, recouvert seulement d'un tapis, je savourai longtemps, en véritable sybarite, la satisfaction de me trouver en pleine sécurité. Cette satisfaction, fruit d'émotions vives et multipliées, est l'un des plus grands attraits des voyages. Après le danger, le repos. Après les angoisses de la crainte, la béatitude du calme. Dans cette série d'impressions diverses, l'imagination et l'esprit, toujours occupés, ont des facultés qui sont complètement négatives dans la vie ordinaire. Seul moyen d'expliquer la passion que les artistes ont toujours eue pour les voyages. Quant à la plupart des touristes qui courent le monde, trop positifs pour que le danger ait des charmes à leurs yeux, ils s'en tiennent d'ordinaire aux grandes routes où leur esprit et leur imagination peuvent dormir aussi paisiblement que dans la vie habituelle. Le lendemain, nous attendîmes pour quitter la station l'arrivée de notre compagnon de route que nous avions laissé bien malgré nous dans une si fâcheuse situation. Il arriva tout meurtri de la chute, mais riant de bon cœur de sa mésaventure. Nous partîmes ensemble, fort contents de nous éloigner de ces belles montagnes du Caucase qui resplendissaient alors sous les rayons du matin. Les éléments de la veille, quoiqu'au résumé, fort peu dramatiques, avaient laissé dans notre esprit une si pénible impression que leur vue nous inspirait encore un secret effroi. Nous n'eûmes donc aucun regret à quitter un pays aussi pittoresque. Loin de là, plus la contrée devenait uniforme, plus nous étions portés à l'admirer. Cette nouvelle disposition nous aurait fait, au besoin, saluer avec joie jusqu'aux steppes de la mer Noire. C'est ainsi que le mérite des lieux dépend presque toujours des impressions de l'esprit. Pendant toute la journée, la route fut couverte de voitures, de cavaliers, de piétons se rendant à la foire de Stauropol et présentant dans leurs groupes divers toutes les variétés de types qui caractérisent la population de ces montagnes. Circassiens, Cosaques, Turcomans, Géorgiens, Tatars s'offraient pêle-mêle à nos regards, les uns sous leurs brillants costumes de chef, caracolant sur des chevaux de race persane ou kalmouk, ceux-là entassés avec leur famille dans des chariots recouverts de peaux de buffle, d'autres chassant devant eux d'immenses troupeaux de moutons et de porcs dont les escadrons enveloppés de poussière, voitures et cavaliers, tout cela donnant lieu aux incidents les plus burlesques. Parmi les individus que leurs affaires ou leurs plaisirs appelaient à la foire, nous remarquâmes un circassien d'une très belle figure monté sur un cheval richement caparaçonné et qui marchait constamment à côté d'une pavosque plus élégante que les autres, gardant ses rideaux hermétiquement fermés. C'en était assez pour piquer notre curiosité. Dans un semblable pays, au milieu de ces populations, dont les mœurs ont conservé tant d'originalité, le moindre incident prend une tournure romanesque et devient un sujet intarissable de conjectures. On comprendra donc combien cette voiture mystérieusement fermée est surveillée avec tant de sollicitude par un jeune et beau montagnard dut donner carrière à notre imagination. La beauté des femmes de ce pays est si célèbre que tout ce qui se rattache à elles acquiert un puissant intérêt. Et nul doute à former que la pavosque ne contint une de ces jeunes beautés destinées, par la force des choses, à être tôt ou tard reines et esclaves en Orient. Quoique je n'eusse plus à leur égard toutes les illusions que j'avais apportées de France, ce nom de circassienne exerçait encore sur moi une certaine fascination en me rappelant que les harems de Constantinople et de l'Asie mineure s'enorgueillissent toujours de posséder ces filles de la montagne. J'aurais donné beaucoup pour soulever un des rideaux de la mystérieuse pavosque, ou du moins pour la suivre jusqu'à notre arrivée à Stauropol. Mais notre postillon, qui n'avait pas les mêmes raisons que nous de la suivre pas à pas, en avait décidé autrement. Aiguillonné par ses coups et les vigoureux claquements de son fouet, les chevaux reprirent le galop, et bientôt après, nous perdîmes de vue circassiens, turcomans, tatars, troupeaux, voitures et tout ce qui avait momentanément ralenti la rapidité de notre marche. La dernière chaîne du Caucase, dont les collines s'abaissent insensiblement jusqu'à Stauropol, formait à notre gauche une ligne dentelée où notre regard saisissait à la hâte plus d'un charmant point de vue. La végétation avait encore beaucoup d'éclat grâce à la douceur de la température qui, à cette époque de l'année, nous aurait paru extraordinaire, même dans des contrées méridionales. Plus nous avancions, plus le steppe, avec son caractère mélancolique et ses grands horizons, gagnait en étendue. Les cimes du Caucase disparaissaient dans un lointain vaporeux. Les collines s'effaçaient graduellement. Tout nous annonçait le voisinage des vastes plaines qui s'étendent entre la mer Caspienne et la mer d'Azov. Fin de la première partie du 13e chapitre.